Exercice 4, page 116. Les, loué. Des, doué. J'ai, joué. C'est, souhait. Bas, bois. Va, voix. Par, poire. Ra, roi. L'un, loin. Main, moins. Pain, point. Fin, foin. Vous, voix. D'où, doigt. Cou, quoi. Four, foire.